Île du Soleil, lac Titicaca, 15 jours avant la Toussaint. Je me réveille sur leur peau de mouton et dans leur couverture. Une maison minuscule dont la porte est grande ouverte. Deux femmes sont penchées sur moi. Prends ça, c'est Mouignay. Ma mère l'a préparé pour toi. Merci. Je dois voir un médecin. Pourriez-vous m'aider à trouver une barque ? La mère a des pommettes de cuir rouge, deux tresses longues reliées entre elles par un pompon. Elle attend en hochant la tête que sa fille lui traduise, gardant sa vieille main fraîche appuyée sur mon front. Elle dit que la fièvre a décroché ton âme. Si tu pars maintenant, tu vas la perdre en route. Tu dois rester un moment à boire beaucoup de mouignay. Après, on te cherche un bateau pour t'envoyer de l'autre côté du lac. Ai-je vraiment l'âme retenue par un cheveu au-dessus de la tête ? Une chose est sûre, le voyage m'a poussée hors du courant, dans un méandre. Ce matin, je me sens flottante et détachée de tout. Mais je suis loin de soupçonner l'imbrication de hasards et de rencontres qui vont se liguer les uns aux autres aujourd'hui pour me sauver la vie. La typhoïde a emporté mes peurs en même temps que mes forces. Le médecin me dira plus tard, avec la déshydratation et la baisse de tension, c'était à 2 heures près. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes. De Anne Cibran. Épisode 3. La petite momie du mont Ampato. Tout près d'ici, au bout de la falaise, on distingue l'entrée de la grotte où le soleil vivait caché avec sa sœur la lune, il n'y a pas si longtemps. Le dieu Wiracocha avait créé les géants, mais les trouvant plus grands que lui, il s'énerva, fit une pachacuti qui renversa le monde. Alors, les eaux du ciel remplirent le lac Titicaca et le soleil courut se réfugier dans le fond de la grotte. Quand les eaux baissèrent enfin, il s'élança dans le ciel, où il est maintenant. Ces lieux de naissance où surgissent les étoiles, les montagnes et les hommes, on les appelle Pacarena en quechua. C'est le mot des apparitions et des premiers matins. À quoi pouvait bien ressembler le ciel quand le soleil venait guetter la montée des eaux assis à l'entrée de sa grotte? Le temps où les bêtes et les hommes échangeaient leur peau et leur fourrure jusqu'à partager le même lit, tandis qu'un gris étrange trempait l'arbre et son ombre. Car il n'y avait pour toute lumière que cette buée de crépuscule qui retenait tous les bruits. C'était le temps inquiet, le premier âge du monde. Puis, un chien raconta un mensonge et tout se renversa. Dans l'autre sens, encore une fois. Anita, ma mère dit qu'il ne faut pas dormir. Tu es trop faible pour rêver. Tu vas passer de l'autre côté. Quel autre côté? La rive opposée du lac? Ou ce tourbillon derrière mes paupières où je me sens basculer avec un délicieux vertige? On peut y aller. La barque est prête. Tu tiens debout? La lumière crue m'éblouit. Des couleurs sans nuance. Avec ce ciel indigo, ces troncs carmin, ces verts presque violets. Le lac scintille de partout comme le ventre d'un poisson. J'essaie d'avancer, je trébuche. Un homme me soulève pour m'emporter sur la rive où m'attend le bateau. Avant, je croyais qu'être malade loin de chez soi était ce qui pouvait arriver de pire. Aujourd'hui, je comprends que c'est une autre façon de voyager. À présent, c'est le pays qui décide. Je ne peux que m'en remettre aux autres, m'offrir à l'imprévu. Sans doute, cette impuissance est-elle le vrai cœur du voyage. Ce corps abrasé, vermoulu, arrivé au bout de ses forces, découvre un autre possible. Vidé de lui-même, tout le traverse. Que Dieu te protège, ma fille. Je sens son haleine au-dessus de ma tête. Ayudale. Mieux qu'une bénédiction, elle me donne le samaï, un peu de son âme, son souffle de vie. De cette journée singulière ne reste pas un seul prénom, qu'une énumération de gratitude. Celle qui m'a donné la mante noire, la petite fille qui m'a porté mon sac, le jeune homme qui s'est assis près de moi dans la barque, celui qui m'a aidé à marcher jusqu'au camion. Il y a surtout ce vieil homme, surgi de nulle part par ce dimanche matin. Assis devant moi, il écarte les pans de sa chemise pour ramer de toutes ses forces, ses pieds nus posés sur la corde, la sueur à son front déjà. Et sans rien me demander, pas même une pièce, appliqué seulement à faire vite. Ce vieil homme, ramant pour moi. Huit jours plus tard, je traverse la frontière du Pérou à Tesaguadero, une ville bâtie autour d'un pont, à l'estuaire d'une rivière enlisée dans la boue et les ordures. Des ibis y farfouillent, chaussés de bottes noires, et partout sur les berges, ce long convoi d'hommes, cacophonie de coups d'épaule, de guidons, triporteurs et camions, parmi des vapeurs de caramel lourd, de fritures frelatées. Rien qu'à s'approcher, on sait tous que ce sera long. Tesaguadero n'est pas seulement une frontière, mais une de ces poches de désœuvrement comme il en existe tant de par le monde. Contrairement au triangle des Bermudes où l'homme disparaît englouti dans l'entonnoir d'un mystère, ici, il est mis en suspens. Les poches de désœuvrement sont des prédateurs d'énergie. Avec leurs mécaniques absurdes, elles vous entraînent dans le vertige de ces attentes illimitées qui vous dépouillent lentement de tout espoir d'arriver un jour à temps. Pourtant, le jeu semble simple. Il s'agit de sortir la valise du bus pour la porter jusqu'à la douane péruvienne en traversant le pont. Sur le pont, une femme vend ses prières et quelques amulettes jetées sur un torchon. Fœtus de lama, queue de renard, tête de maïs séché. Elle est là pour les paysans qui partent tenter leur chance au Pérou. On les repère de loin dans cette foule uniforme, par les couleurs et les chapeaux. Eux marchent sans se presser. Trois heures sont déjà écoulées et je n'ai fait que 10 pas. Il est là, à quelques mètres, je le sens, le fameux goulet d'étranglement. 1 heure d'attente encore et je découvre enfin le bureau des tampons. Les voyageurs passent par cette salle minuscule où 4 bureaux sont disposés dans chaque angle. La foule est si dense qu'on ne saurait localiser les bureaux sans le bruit des tampons et les cris du fonctionnaire. Il s'agit de passer du bureau numéro 1 au bureau numéro 4 en faisant tamponner à chaque fois le même formulaire. Il va de soi qu'on se demande tous ici la même chose. Pourquoi ne pas tout tamponner en une seule fois au même bureau? Mais les poches de désœuvrement viennent à bout de tout, et surtout des questions. Et chacun se résigne, la paupière lourde et le regard éteint. L'aéroport de Juliaca est bâti dans la poussière, au bout d'un faubourg de pis ébranlants et de toits calaminés. Et selon ce curieux paradoxe qui veut que ceux qui ont à subir les désagréments de l'avion, c'est-à-dire ceux qui vivent à côté des pistes, n'en profiteront jamais. On ignore encore lequel des deux va gagner, de l'aéroport ou du bidonville. Pour l'instant, les palmiers sont tous morts au milieu de l'avenue de terre où sont aussi quelques cochons. Chaque fois qu'un bus approche, les musiciens sortent la flûte de la poche du jean, enfilent bonnet et poncho. Touristes, hommes d'affaires, mendiants, nul ne raconte le même voyage. Une réalité complexe faite de couches imperméables où chacun trouve sa vérité. Ils bâtissent une autoroute géante qui va relier le Pacifique à l'Atlantique, un genre de transamazonienne qu'ils appellent interocéanique. Ils abattent tout devant eux, sans respecter les paysans. J'ai rencontré Flor Vargas dans l'avion. Elle est sociologue et par avant les bulldozers aider les gens à défendre leurs droits. C'est d'autant plus difficile que les conceptions sont totalement opposées. D'un côté, la multinationale qui dirige le chantier. De l'autre... Regarde, puisque tu sais lire les quechua. Voici une lettre qu'une paysanne m'a donnée pour le président de la République du Pérou. Huiracocha Presidente, Comunidad Catacachamanta. La paysanne explique au président de la République qu'elle ne peut recevoir d'argent pour sa terre, car c'est elle qui appartient à la montagne. Elle dit encore que la terre n'aime pas qu'on coupe ses arbres, qu'on enferme ses rivières dans des tuyaux, et qu'elle va tomber malade si on la couvre de goudron. J'arrive à Arequipa au milieu de la nuit, avec une lune retournée, et dans un ciel si clair que j'aperçois, depuis la fenêtre de ma chambre, les neiges éternelles du volcan. Les maisons d'Arequipa ressemblent à des carrés de sucre, disposés devant le volcan Misti qui les disloque ou les recouvre une fois tous les 100 ans. Les rues sont larges, une propreté méticuleuse met les papiers dans les corbeilles, les chiens à l'ombre des porches et les vendeuses au carrefour devant quelques bonbons. J'ai rencontré Cristina sur la Plaza Grande. J'avais un sac de prunes jaunes, elle vendait des poupées. On s'est mis à parler, en espagnol d'abord, puis en quechua, et sans se rendre compte qu'on avait déjà quitté la place, avec son petit garçon accroché à ses jupes. Chaque fois que je lui tendais une prune, elle la passait à son fils aussitôt. Un geste si mécanique que je comprends qu'elle ne doit jamais rien garder pour elle, tant il y a peu pour ses enfants. On arrive devant sa maison, une cabane de vieilles planches pour abriter une grand-mère invalide. Assise devant la porte, on mange des maïs grillés, puis on se quitte avec la promesse de se revoir le lendemain. Tupananchiskama. Ces affinités immédiates me rappellent le poème de Jules Supervielle, Les amis inconnus. Il vous naît un ami, et voilà qu'il vous cherche. Il ne connaîtra pas votre nom ni vos yeux, mais il faudra qu'il soit touché comme les autres. Éloge dans son cœur d'étranges battements qui lui viennent des jours qu'il n'aura pas vécu. Cristina est de ces émissaires qui surgissent mystérieusement au fil du voyage. C'est le lendemain, je crois, qu'elle me parle des esprits des montagnes, les apous. Il y a trop de pluie. Trop de pluie. Les apous ne sont pas contents. Ils vont faire dévaler la boue. Pourquoi ils ne sont pas contents? Avant, on respectait les montagnes. On leur laissait toujours des petits témoignages d'affection. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont devenus sauvages. Ils tuent les bêtes, ramassent le maïs sans jamais un merci. Et puis, ma mère, qui rêve beaucoup, m'a dit que l'apou, un pâteau, est furieux depuis qu'on lui a pris sa fille. Sa fille? On t'a pas dit? Pour la momie qu'ils ont trouvée là-haut et qu'ils gardent sous le verre. Et dans la glace, la pauvre, il la montre toute la journée. Cristina était partagée entre la curiosité et la peur, mais c'est elle qui m'a conduite le jour même devant l'entrée du musée. Je m'attendais à trouver un corps séché, racorni au fond d'un panier. Au lieu de quoi, je découvre une petite fille, intacte, accroupie, un restant de glace collé sur l'épaule. Les bras enroulés autour de ses genoux, elle est comme l'enfant qui boude, assis dans son coin. À en croire l'explication, elle aurait reçu un coup derrière l'oreille avant d'être couchée encore vivante dans ce trou creusé à 6300 mètres au sommet du mont Ampato. Elle n'a que 13 ans. Avec ses habits d'apparat, elle a quelque chose de bouleversant. On dirait qu'on vient de la tirer d'un rêve, qu'elle va bientôt tourner la tête, ouvrir les yeux. Au temps des Incas, déjà, les montagnes étaient des entités vivantes dont on guettait les signes, les colères, avant d'entreprendre un voyage ou de semer un champ. Tous les 4 ans environ, l'Inca organisait pour elle de grandes cérémonies, appelées aussi Capacocha. D'abord, on partait collecter l'offrande, statuettes, vases d'or et d'argent, céramiques, coquillages et tissages. Seul le plus précieux était digne d'être offert à la montagne. D'autres émissaires parcouraient le royaume pour choisir les enfants. Garçons et filles d'une beauté impeccable, sans aucun grain de beauté, parfaits jusqu'au bout de leurs ongles. C'est ainsi qu'ils entrèrent un matin dans ta maison, Juanita. Tu pars presque aussitôt, petite fille, le temps seulement de ramasser ta poupée, le sac tissé où tu ranges ta coca. Les servantes emportent tes pagnes, tes ceintures. Ta mère, le coupon de laine où sont roulés ton cordon de naissance et tes premiers cheveux. On croirait que le cortège s'étire sans fin d'Arequipa jusqu'à Cusco. Un défilé chatoyant de reflets, de parures, qui palpitent au bord des gouffres, sur les sentiers empierrés, foulent les tapis de fleurs rouges, devant les plumes qui s'agitent et les nuques courbées. Tu veux marcher, mais on te porte. On te salue en glissant des prières aux franges de ta tunique sur le bout de tes pieds. Tout amuse, ce troupeau de lamas blancs paré de fleurs et de rubans. Tout est nouveau, à chaque col, chaque village. Ces gens qui courent vers vous et cette joie indescriptible qui vous porte à danser encore jusqu'au cœur de la nuit devant les feux allumés. Mamai, amui mamai, kanwan, punyui tanyo kakamunani. Est-ce cette boisson que l'on te donne? Ta tête tourne en même temps qu'une chaleur étrange court à travers ton sang. Tu ne sens plus la fatigue. À chaque temple, chaque arrêt, partout où l'on te montre, on t'acclame. Jusqu'au Kurikansha, le temple du soleil, où l'Inca vous attend. Qu'est-ce que l'Inca te chuchote? Quels sont les mots sacrés qu'il dépose en toi pour que tu les donnes à la montagne? Est-ce que tu sens à cet instant déjà que tu perds ton corps de chair pour devenir la messagère, cette parole d'homme qu'ils vont enfouir comme une graine chez les dieux? Tout va très vite maintenant que tu reviens chez toi. Le troupeau de lamas blancs découvert au matin, souillé, fumant, couché dans la poussière. Et moins de monde à chaque arrêt dans le cortège. Partout sur ton passage, tant de bêtes immolées. Tu ne vois plus que ces regards figés, ces coups tranchés, ces fleurs fanées. Est-ce que tu sais déjà que tu vas mourir quand tu commences l'ascension du mont Ampato? La boisson sucrée que t'a donnée le prêtre fait fleurir des visages partout dans les rochers, au tronc des arbres et dans les sources. Ces hallucinations. C'est aussi à cette heure grise, ce temps inquiet qui précède les premières lueurs de l'aube, qu'on procédait au sacrifice de la Capacocha. Cet étroit corridor entre le jour et la nuit est un passage entre les mondes. Et je ne connais aucune langue comme le quechua pour prêter une telle attention au surgissement de la lumière. Achikia, Akshi, Arfa, Ilia, Pakari, Punchawiya, Kaspiya, Rasfi, Rayamui. Tant de mots pour désigner l'aube qu'on devine un peuple entier, cou tendu, appelant chaque matin le dieu soleil comme une conjuration. Je suis en train de décrire à Christine, la petite fille de glace accroupie derrière la vitre, quand un groupe de jeunes nous entendant parler quechua agresse mon amie violemment. Elle n'a pas à être avec moi. Qu'elle retourne faire la bonne ou qu'elle aille se laver. Je m'interpose, il me repousse. Tandis que d'autres la jettent contre un mur, l'un s'amuse à soulever ses jupons. Elle hurle, il la gifle. Quand il nous laisse enfin, Christina court à sa maison. Je la rattrape, je l'appelle, elle ne me répond pas. Nous arrivons devant chez elle. À la façon dont elle me quitte, je comprends qu'elle a tellement honte qu'elle ne souhaite plus qu'on se revoie. Mestizo, union d'un son indigène avec un son européen. L'espagnol colonial s'est enrichi d'une série d'adjectifs chargés de classer l'individu rencontré selon la couleur de sa peau. Mulatto, africain et européen. Morisco, mulatto et européen. Cholo, mestizo européen. Sambo, indigène et africain. Indio, indigène. Palette chromatique du métissage selon les critères d'une blancheur européenne, placée au sommet de toute hiérarchie. Pardon pour vous. Pardon pour eux. Pour le silence et les mots inconsidérés. Pour les phrases venant des lèvres inconnues qui vous touchent de loin comme balles perdues. Et pardon pour les fronts qui semblent oublieux. Ce matin, je visite un autre genre de tombeau, grand comme un village, avec des rues, des places, des jardins, des maisons, des cuisines, et même un cimetière, le couvent Santa Catalina. En prenant les voiles dans l'ordre des carmélites, raconte Flora Tristan, qui visita ces couvents au XIXe siècle, les religieuses font vœu de pauvreté et de silence. Quand elles se rencontrent, l'une doit dire « Sœur, nous devons mourir » et l'autre répondre « Sœur, la mort est notre délivrance » et ne jamais prononcer une parole de plus. Cette fois, il ne s'agit pas d'enfouir une jeune fille dans le ventre d'une montagne pour le salut de l'Inca, mais de la faire mourir au monde pour le salut d'une famille. Mais que peut le règlement d'un évêque devant l'exubérance d'un vallon de Piémont ? Il aurait mieux valu bâtir les couvents sur la terre froide des plateaux. Quelle âme peut tenir hermétiquement close devant la frénésie d'un jardin ? Ici, le printemps est partout. Dans chaque fissuration, des poussées de feuilles dégoulinent sur la chaux des maisons. Pas un toit sans le coussin d'une mousse. Des nuées de papillons et d'abeilles sont abouchées aux échancrures des fontaines. Et le parfum des nérolis, la laine glacée de cette eau de montagne cognant dans les rigoles. Jamais comme ici, dans les Andes, je n'ai ressenti à quel point la mort et la vie communient au point de se mêler. Après les fièvres de la typhoïde, les montagnes mangeuses d'enfants, cette momie frémissante et ses limbes partout, aux cols et aux frontières, j'ai l'impression d'être arrivée au bord du monde, ce Mundu Kandun des légendes andines où seuls les condors ont le droit de voler. La chaleur affole les mouches. Qui croirait que l'on est à 3 jours seulement des fêtes de la Toussaint ? Là-bas, derrière le muret, les carmélites sarclent les rosiers, les carrés de mélisse, de verveine. Et je les vois, le front gouttelant de sueur, mordre dans le ventre sucré d'une fraise, avec ses mèches folles dépassant des cagoules et la narine large, buvant les vapeurs tièdes de la terre retournée. Géographie du purgatoire. Une traversée des Andes, de Anne Cibran. Troisième épisode, avec Chloé Réjon, Odile Lauria, Maria Celina Lozano, Maria Hugo, Alejandro Calderón, Mónica Lede, Paola Córdoba, Luna Moana, Julio Arguedas, Carlos Donoso, Jacá Mare. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy et Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Arnaud Chapat. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Laure Goroff. Remerciements à Jean-Philippe Navarre, Benjamin Chauvin et Jean-Marc Lotel.